mardi, de passage en France à l'occasion du festival Reims Polar. La grande table, Olivia Gesbert. Puis la dangereuse odyssée de millions de réfugiés. Le journaliste américain Matthew Aikins a pris la route de l'exil avec eux. Il nous raconte ce périple au micro de la grande table des idées. La grande table, aujourd'hui à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h en compagnie de Pénélope Bagieux. Affaires culturelles, Arnaud Laporte. Révélée par son blog de BD, Ma vie est tout à fait fascinante, Pénélope Bagieux s'est affirmée au fil des années comme une autrice majeure du 9e art. Primée en France comme aux États-Unis, elle nous dit ce qui nourrit son œuvre très prolifique et lève le voile sur les coulisses de ses créations. Affaires culturelles, aujourd'hui à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Demain, dans le cours de l'histoire sur France Culture, bannis, réfugiés, réprouvés, le 19e siècle à l'épreuve de l'exil. Nous l'avons entendu, Olivia Gesbert nous annonçait dans la grande table, Rodrigo Sorogoyen, le roi du polar espagnol, il nous faut bien un enquêteur aujourd'hui, il est 10h sur France Culture et voici Adèle Vendrette sur les chemins de la philosophie. Adèle, il y a donc du trafic de Proust? Vous croyez pas si bien dire, bonjour Xavier. Bonjour Adèle. On va vraiment parler de trafic au sens concret du terme. Hein. C'est vous vrai? Vous y connaissez, non? Ah bah moi, je m'y connais seulement parce que je vous écoute. Oui, c'est ça. Bah, allez, le trafic c'est ce matin et c'est tout de suite sur les chemins de la philosophie. Super. L'écrivain est fait, selon moi, pour parler du monde tout entier, en parlant de lui-même tout entier. You got a tussle, man? Yeah, later. Later? You got a tussle, man? Nigga, it ain't even 9 o'clock and you feigning on it. Get the fuck out of here, man. Deux doses. Une minute. Quoi? Attends. T'as eu le fric, je peux avoir ma dose? Boot, c'est ok. C'est quoi ce bordel? Oh, Wallace. Écoute, il faut parfiler la cam à un client dès que t'as empoché le blé. Si jamais quelqu'un prend des photos, il capte direct le mec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mec. D'abord, tu te fais payer. Ensuite, t'envoies ton client de l'autre côté du bloc et tu vas le servir. D'accord. Bien. Allez, fous-moi le camp. I'm waiting for my man. 26 dollars in my hand. Up to Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Walk it home. Bonjour Anne Simon. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Alors le point commun entre la série The Wire et The Velvet Underground, c'est le trafic, vous l'avez entendu, le trafic de drogue. Mais quel est le point commun avec Marcel Proust? Alors au-delà du fait peut-être que Proust est ma cam et ma dose quotidienne depuis maintenant environ 35 ans, c'est l'idée que chacun se trafique son Proust en quelque sorte. Et que chaque fois qu'on lit Proust, on se l'approprie, on le transforme, il devient une puissance d'élan, etc. Alors on peut dire ça d'autres auteurs, mais moi il me semble qu'en plus c'était un peu programmé dans À la recherche du temps perdu, cette espèce d'ouverture indéfinie du sens chez Proust. Et ce qui m'a intéressé, c'était d'aller voir chez des très grands penseurs ou philosophes du moment des années 60, comment finalement ils faisaient commerce avec Proust et comment ils le trafiquaient pour en faire du mauvais vin, pour en faire un nectar, en tout cas pour le transformer. D'où votre livre « Trafic au pluriel de Proust », Merleau-Ponty, Sartre, Deleuze, Barthes, on le trouve aux éditions Hermann, il est paru en 2016 et ça va être le programme ce matin. Mais est-ce que ça veut dire que Proust est un auteur qui se prête particulièrement au trafic justement? Oui, je pense vraiment que c'est le cas pour plusieurs raisons. D'abord parce que on est dans une psyché, on est dans un jeu. Longtemps, je me suis couchée de bonheur, mais c'est un jeu qui est d'emblée, dès le début de la recherche, complètement poreux, ouvert, multiforme, polymorphe, etc. Il se transforme en femme dans le rêve dès la première page d'À la recherche du temps perdu. Il se transforme en un livre d'histoire. Il se transforme en une église. Il se transforme en un animal, en un homme préhistorique qui remonte même à des temporalités proto-humaines, en quelque sorte. Mm-hmm. Et donc, il y a cette idée que cette psyché, elle est traversée par l'ensemble des modalités de l'être. Et le sommeil joue un grand rôle là-dedans. Et puis, il y a aussi son style, hein, son style méandreux, voilà, qui ouvre des pistes constamment, avec des suppositions alternatives, soit qu'un tel faisait ceci, soit qu'il le faisait pour une autre raison, ou bien on retrouve toujours ce genre de construction chez lui, avec l'idée qu'il y a finalement une indécidabilité de ce que c'est qu'un sujet. Et on est dans un paradoxe ou dans une très belle conception du sujet chez Proust, parce qu'on a souvent tendance à le voir comme assez violent, par exemple avec Albertine, et c'est le cas. Mais les sujets échappent toujours chez Proust, c'est-à-dire qu'il essaye tous les personnages essayent de s'enfermer les uns les autres dans des étiquettes. On est vendeur, on est client, on est aristocrate, on est domestique, etc. On est une jeune femme. Et puis tous finalement sont des êtres de fuite, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent jamais en définitive à ce qu'on attend d'eux. Et donc il y a ce rôle de la surprise permanente. Gilberte est perçue comme une jeune fille inaccessible pendant toute l'adolescence du narrateur. Et au bout de plusieurs décennies, le narrateur se rend compte que le premier jour où il l'a rencontrée, dans un mouvement, c'était un moment extraordinaire pour lui, mais où elle était inaccessible, eh bien, elle lui faisait un geste d'invite obscène, un geste indécent. Et c'était ce qu'il attendait, mais il le saura que plusieurs décennies plus tard. Mais le mot de trafic, quand même encore un instant, enfin on va y revenir toute l'heure, hein, mais c'est à la fois le trafic de drogue, hein, vous l'avez dit, puis on l'a entendu, t'as le fric, je peux avoir ma dose, il y a vraiment cette idée qu'on va payer pour avoir quelque chose dont on a besoin, mais il y a aussi le sens de trafiquer. Est-ce que tout lecteur ne trafique pas le texte au sens où il le déforme, il en fait ce qu'il veut y voir On déforme évidemment, mais je ne suis pas sûre, en tout cas avec Proust, qu'on en fait ce qu'on veut. Ouais. L'ensemble des philosophes que j'ai abordés le disent tous. Proust m'appelle, Proust est ce qui me vient. Il y a une sorte d'évidence du texte de Proust qui fait qu'on peut pas en faire non plus n'importe quoi. Et puis dans le trafic, il y a vraiment l'idée de interlope, de promiscuité, de commerce. On parlait du commerce des âmes et du commerce des esprits au XVIIIe siècle. Donc c'est l'art de la conversation. C'est l'art donc de l'échange entre aussi un lecteur et un écrivain, ou entre un client et un vendeur, dirait Bernard-Marie Coltès dans La solitude des champs de coton, que j'ai mis en exergue de mon livre pour montrer à quel point l'art de la parole est aussi un art donc du trafic, puisqu'on ne sait pas ce que vend le vendeur. Est-ce qu'il vend de la drogue dans La solitude des champs de coton? Est-ce qu'il vend du désir? Est-ce qu'il vend tout simplement la passion de l'interlocution et de la menace et de l'adversité? Voilà, il y a tout ça qu'on retrouve à la fois chez Coltès et chez Proust. Donc le trafic, c'est aussi cet échange entre deux esprits où chacun y gagne et chacun y perd, en quelque sorte. Et vous disiez, Proust, c'est ma cam, quel genre de drogue, qu'est-ce qui vous apporte? Qu'est-ce que la drogue Proust vous apporte à vous, Anne Simon? Il m'apporte réellement l'insolite, le fantastique, la démesure, l'effroi parfois. C'est un écrivain extrêmement sauvage. C'est marrant parce que c'est pas du tout ce qu'on dit de Proust d'habitude, l'écrivain de chambre, sagement, jaloux peut-être, mais vous employez des termes complètement le fantastique et l'excessif. On se pique dans les chambres, on y naît, on y meurt, on y agonise, on y écrit. C'est évidemment ce que fait Proust, qui était complètement drogué lui-même. Hein. Il y a aussi tout ce trafic de Proust avec la valériane, avec toutes les drogues possibles et imaginables pour essayer de dormir, hein, qu'il alternait avec le café pour être sûr que ça marchait pas. et donc moi ce qui m'apporte, c'est une fascination devant l'imprévisible et l'inattendu. C'est-à-dire très souvent je le relis pour plein de raisons différentes, et y compris dans des passages que je connais quasiment par cœur, quelque chose vient m'interpeller et me faire découvrir autre chose. Et puis, il y a dans cette idée de trafic avec soi-même, puisque ce que j'ai voulu montrer, c'est comment les auteurs, les penseurs, hein, ou tout lecteur ou toute lectrice, en lisant Proust, s'individue, se subjectivise à la lumière d'un autre. Il y a aussi cette idée que l'altérité elle-même, elle est inclue dans la définition du sujet selon Proust. On a plein de passages où, par exemple, il se regarde dans un miroir, il est ivre, et c'est un miroir, vous savez, en abîme, où on se voit je ne sais combien de fois à l'infini. Et qu'est-ce qu'il voit dans ce miroir? C'est un buveur hideux, c'est un étranger qui n'était autre que moi-même. Et donc, il y a une dimension hideuse et monstrueuse de nous-mêmes qu'on peut tout à fait retrouver dans Proust, puisque c'est certes, et c'est avec ça que j'ai commencé quand même ma lecture de la recherche, et c'est certes les jeunes filles, la joie sensible, on y reviendra, le soleil, enfin, une capacité incroyable à exprimer le monde sensible par les grâces du langage, mais c'est aussi le très grand auteur du sadisme, des parents enfermés dans une cage et transformés en souris avec des gros boutons, des fantômes, des revenants, de la grand-mère qu'on voit morte et à la fois vivante dans un rêve. C'est l'auteur des viscères mystérieusement translucides. Voilà ce que c'est que la définition du sommeil. C'est Albertine qui est morte et en même temps vivante, puisqu'elle hante le narrateur. Donc c'est un très très grand auteur du trafic avec l'au-delà, mais il est interne. Alors pourquoi Proust a-t-il autant séduit les philosophes des années 60 et 70, Merleau-Ponty, Sartre, Deleuze, Barthes, Foucault également? On commence avec Merleau-Ponty. Simone de Beauvoir avait, comme moi-même à ce moment-là, quelque chose comme 19 ans. Et je me rappelle qu'elle faisait un véritable amalgame de philosophie et de littérature dans ce qu'elle disait, ce qui à ce moment-là me choquait énormément. Ce n'est pas ce que je pense maintenant. Et je me rappelle très bien que l'une des premières fois que j'ai vu Simone de Beauvoir, je l'ai trouvée à la bibliothèque Sainte-Geneviève en train de lire Proust. Et je me rappelle, je n'avais d'ailleurs pas lu Proust à ce moment-là, ou à peu près pas, et je me rappelle très bien que je lui ai remontré que quand on était philosophe, la première des choses à faire était d'aller à ce que j'appelais l'essentiel. Il me semblait que, mettons, la pensée de Proust sur le temps ou sur n'importe quel autre sujet était une pensée seconde parce qu'elle n'était pas ramenée à des concepts ni réductible à des concepts. À présent, je ne crois absolument pas qu'il y ait de frontières, ni qu'il y ait de points où on puisse dire « ici commence la philosophie ». Et Proust, puisque nous en parlons, dans la suite m'est apparu comme, y compris la manière proustienne de s'exprimer, qui n'est pas philosophique, tout cela m'est apparu comme faisant partie de ce que j'appelle à présent la philosophie. Cette archive de Maurice Merleau-Ponty date du 29 mai 1959 et elle est extraordinaire, Anne-Simon, parce qu'il dit énormément de choses. On entend à la fois ce philosophe qui ne doute pas de lui et qui veut vraiment explicitement apprendre à Simone de Beauvoir comment on lit un livre, hein, et puis ce que c'est que la philosophie. Et en même temps, on entend le fait que lui-même ait changé, qu'il ne dirait plus ça aujourd'hui. Donc c'est assez émouvant d'entendre la conscience qu'il a de son propre changement, de sa propre évolution. Et puis, il nous est dit ici ce qui le relie à Proust, notamment cette conception très particulière du lien entre philosophie et littérature. Oui, c'est magnifique, hein, que ce soit une femme, hein, une femme philosophe, et évidemment très très grande autrice qui l'initie entre guillemets à Proust, parce que en réalité depuis toujours Merleau-Ponty a été accompagné par Proust. C'était son livre de chevet, me disait la femme de Merleau-Ponty, Suzanne Merleau-Ponty. Et depuis qu'il écrit, avec Proust, et c'est un des rares auteurs que j'ai abordé qui n'écrit pas contre Proust, mais c'est un lent accompagnement, une espèce de très très longue traversée vitale, comme une sorte de couple, de jumeaux même, dira Merleau-Ponty, entre lui et Proust. Et ce qui est magnifique, c'est que finalement, dès la structure du comportement, dès Phénoménologie de la perception, qui sont ses premiers volumes publiés, même sa thèse publiée, Proust apparaît dès la fin de l'introduction à Phénoménologie de la perception, et il dit Proust est celui qui a su rendre le monde à l'état naissant. Et je crois que Merleau-Ponty n'arrêtera jamais d'interroger cette naissance du monde, ce surgissement de l'apparaître. On l'a entendu parler de l'essence dans notre archive, mais on l'a aussi entendu parler du temps. Il dit, pour moi le temps c'est fondamental, mais en réalité il a raison, évidemment que le temps c'est fondamental chez Proust. Je pense que le temps, on le dit peut-être pas assez, c'est un grand... c'est fondamental dans l'ontologie de Merleau-Ponty, dans sa conception de l'être. Et c'est évidemment Proust qui lui permet de faire le lien entre le concept et l'incarnation du sens, puisque chez Proust, on est tout le temps dans des idées sensibles, on est tout le temps dans des pensées qui ne s'expriment qu'à travers des métaphores, qu'à travers des moments sensibles. Et jamais dans une pureté. Même quand on est dans l'extratemporalité ou dans le hors-temps, l'extratemporalité, dans le temps retrouvé, au moment des réminiscences où le narrateur marche sur un pavé bancal et d'un coup il se trouve transporté d'un hôtel, d'un grand hôtel parisien à la place du place Saint-Marc de Venise, par exemple, ou le hors-temps du sommeil. Hein, il dit peut-être que dans ça c'est magnifique. Il dit peut-être que dans le sommeil la catégorie du temps n'existe plus. C'est fantastique. Eh bien, même dans ces moments-là, c'est toujours de sensations et d'attaches indestructibles, nous dirait Merleau-Ponty, avec le monde dont il est question. Il faut bien comprendre que chez Proust, chaque fois qu'on est devant une perception pure, c'est-à-dire une sensation complètement déliée du tégument de caresse qui nous relie aux autres, déliée de nos projets, de nos souvenirs, de nos remords, de nos désirs, eh bien ce sont des moments complètement dramatiques. C'est le moment de l'ivresse, où on est enfermé dans la sensation brute et dans la minute. C'est le moment de l'agonie, où il n'y a plus ni passé ni avenir. C'est aussi le moment de l'orgasme amoureux, mais qui est très particulier chez Proust, puisqu'il ne parle pas vraiment de bonheur, finalement. Et donc, et puis, c'est tous ces moments de désillusion, à la fin du Côté de chez Swann, qui est le premier volume de La Recherche du Temps Perdu. Le narrateur revient au Bois de Boulogne, où le Bois de Boulogne qui était pour lui le jardin des femmes et des fées. C'était un endroit hyper érotique, et cet endroit ne lui dit plus rien. Dans le temps retrouvé, il est devant, il descend du train, il y a un arrêt de train en rase campagne, et là il voit des arbres qui n'ont plus rien non plus à lui dire, alors qu'avant les arbres du Diminil l'appelaient et en appelaient. C'est un motif qui revient tout au long de la recherche, voilà. Et d'ailleurs un des seuls qui n'arrive pas à élucider, il ne comprend pas pourquoi ces arbres l'interpellent autant. Voilà, exactement, et on le saura jamais. Non. Sans doute qu'il l'interpellait parce que ce qui allait naître, c'était arraché finalement à son tréfonds intérieur, désancré, comme il le dit dans le petit passage de la Madeleine, hein, cette sensation qui se désancre et qui remonte tout doucement à l'intérieur du narrateur, et il entend la rumeur des distances traversées, il entend le temps dans l'épisode de la Madeleine. Et bien dans les arbres du Diménil, il voit ces arbres en appellent à son expression, et il ne sait rien dire. Merleau-Ponty partage avec Proust cette même conception de l'écrivain qui serait également un artiste, qui serait également un peintre. Finalement, ce qu'il aime dans La Recherche du Temps Perdu, c'est cette sorte de puissance plastique du texte, certes dans le rapport au temps, vous le disiez Anne-Simon, mais aussi dans le rapport de ce que Merleau-Ponty appelle le visible et l'invisible. Écoutez comment Merleau-Ponty rend hommage à Proust dans ce texte, Le visible et l'invisible, ici lu par Guillaume Gallienne. Personne n'a été plus loin que Proust dans la fixation des rapports du visible et de l'invisible, dans la description d'une idée qui n'est pas le contraire du sensible, qui en est la doublure et la profondeur. La littérature, la musique, les passions, mais aussi l'expérience du monde visible, sont non moins que la science de Lavoisier et d'Ampère, l'exploration d'un invisible, et aussi bien qu'elle, dévoilement d'un univers d'idées. Simplement, cet invisible-là, ces idées-là, ne se laissent pas, comme les leurs, détacher des apparences sensibles. L'idée musicale, l'idée littéraire, la dialectique de l'amour, et aussi les articulations de la lumière, les modes d'exhibition du son et du toucher, nous parlent, ont leur logique, leur cohérence, leur recoupement, leur concordance, et ici aussi, les apparences sont le déguisement de forces et de lois inconnues. Simplement, c'est comme si le secret où elles sont et d'où l'expression littéraire les tire était leur propre mode d'existence. Ces vérités ne sont pas seulement cachées comme une réalité physique que l'on n'a pas su découvrir, invisible de fait que nous pourrons voir un jour face à face, que d'autres mieux placés pourraient voir dès maintenant, pourvu que l'écran qui le masque soit ôté. Ici, au contraire, il n'y a pas de vision sans écran. Les idées dont nous parlons ne seraient pas mieux connues de nous si nous n'avions pas de corps et pas de sensibilité. C'est alors qu'elles nous seraient inaccessibles. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et on parle de Proust cette semaine, Proust et les philosophes, aujourd'hui en compagnie de la directrice de recherche au CNRS, Anne Simon, qui a écrit un livre intitulé « Trafic de Proust, Merleau-Ponty, Sartre, Deleuze, Barthes » aux éditions Hermann. On a commencé donc avec Merleau-Ponty, vous insistiez sur cette importance du trafic en littérature. Si on entend bien ce texte de Merleau-Ponty, texte sublime, très riche, très dense, le lien qu'il fait lui-même avec Proust est celui de la certitude que l'expression littéraire est toujours une affaire de secret. Anne Simon, comment est-ce qu'on comprend ça ? C'est une affaire de secret, c'est une affaire de voile, c'est une affaire d'ombre, c'est une affaire d'interstice. C'est une affaire de silence aussi, que ce soit pour le philosophe ou pour l'écrivain. La seule manière de rendre compte de l'apparaître sensible, de notre relation au monde, c'est d'y intégrer ce qu'on ne sent pas, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas. Sinon, on est sur des vues plates, on serait devant une toile en deux dimensions. Donc l'essentiel ne se voit pas. L'essentiel se voit. Mais parce qu'il n'est pas derrière le sensible, il n'est pas derrière les choses comme une essence ou une idée qui serait séparée du mouvement d'apparition des phénomènes, d'apparition du monde, il est intégré dedans. Et c'est ça qui est fantastique. On ne comprend pas la philosophie de Merleau-Ponty si on en reste au sujet et à l'objet, si on en reste à une conception frontale de notre relation au monde. Et on ne comprend pas non plus cette philosophie si on ne réintègre pas la dimension du temps et du dynamisme et du jaillissement du processus, il y a le mot procès, vous voyez, de quelque chose qui s'étire dans la manifestation du monde. Et donc, c'est cela que Merleau-Ponty cherche à exprimer. Il me semble le fait qu'on n'est pas des pensées pures, on n'est jamais dans une pensée de survol, ou alors ce sont des philosophes qui ne parviennent pas à ressaisir exactement ce que c'est que le monde. Il n'y a pas d'arrière-monde, mais tout ce qu'on peut penser, puisque la pensée est ancrée et fondée sur la structure de la perception chez Merleau-Ponty, eh bien, tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut voir est toujours relié à un invisible. Alors si, par exemple, je vous donne un exemple dans Proust, à un moment, Merleau-Ponty va faire des cours au Collège de France et il revient notamment sur Jean Santeuil, qu'il vient de lire, on est au début des années 50. Jean Santeuil vient de paraître, qui est un brouillon de Proust qui n'avait pas été encore édité. Et à un moment, Proust décrit une idée d'église, comme il le dit. Il est devant une église, mais elle est recouverte de lierre. Et ce lierre semble accompagner l'art et la structure architecturale de l'église. Du vent est en train de passer. Et Proust dit à ce moment-là, on n'avait jamais aussi bien l'idée d'église que parce qu'elle était recouverte par le lierre. Et je pense que c'est la même chose aussi quand il voit un clair de lune au début dans La recherche du temps perdu dans Combray. Il dit que le clair de lune fait des ombres immenses, étirées, devant lui, et que ces ombres, elles sont encore plus prégnantes, encore plus... c'est elles qui permettent de donner accès au visible. Mm-hmm. Et donc, c'est et donc ça, Merleau-Ponty le trouve chez Proust. Vous avez jusqu'à dire que c'est ça, que Proust, lui, il trouve chez Proust ce qui va fonder en retour sa propre philosophie. Il trouve chez Proust ce qui va la fonder, et il trouve non seulement un vocabulaire, mais aussi une syntaxe. Alors, pour le vocabulaire, mais on aurait... on a des exemples innombrables. Il y a ce passage où Albertine embrasse le narrateur de chez Proust. Elle glisse sa langue dans la bouche du narrateur. Et le narrateur a l'impression que c'est la doublure extériorisée d'Albertine. C'est sa chair avec laquelle il est en contact direct. Je sentais sa langue dont la flamme et la rosée secrète faisaient que, même quand Albertine la faisait glisser à la surface de mon cou, de mon ventre, ces caresses superficielles, mais en quelque sorte faites par l'intérieur de sa chair, extériorisées comme une étoffe qui montrerait sa doublure, prenaient même dans les attachements les plus externes comme la mystérieuse douceur d'une pénétration. Tout ça, c'est du vocabulaire dont va se servir Merleau-Ponty pour parler de ce que c'est que l'être. La chair, c'est vrai, dans la phénoménologie, on trouve beaucoup l'importance de bien sûr, le visible et l'invisible. On dit souvent qu'on passe d'une phénoménologie à une ontologie de la chair, c'est-à-dire d'une description du sensible à une recherche de la vérité. N'oubliez pas aussi que Proust voulait aussi appeler son livre La recherche de la vérité. Enfin, il y avait le mot vérité dans le premier titre. C'est aussi ce que voulait faire Merleau-Ponty. Et donc doublure, chair, étoffe, pivot, réseau, trame, tout ça on le trouve chez Proust et ça vient innerver la prose de Merleau-Ponty qui va finir par faire une ontologie où pour décrire la relation enroulée entre le sentant que nous sommes et le sensible qui n'est pas devant nous mais qui nous pénètre, il va parler d'invagination, de capitonnement, voilà. Et il y a toute cette recherche chez Merleau-Ponty, le dernier Merleau-Ponty au moment où il meurt en 1961 en écrivant Le visible et l'invisible, il est en train de chercher un nouveau vocabulaire qui parle d'articulation, qui parle de pivot, de charnière, de dimension, de promiscuité, d'accouplement. Voyez, tout ça, c'est ce qui vient définir notre relation au monde et à la pensée. Qui est érotique, pour le coup. Qui est très érotique. Et c'est pour ça que je dis que dans Trafic de Proust, qu'il y a, d'ailleurs chez tous les auteurs, une érotique des pensées, parce que chez Proust aussi, l'éros, que ce soit le désir ou le corps, sont au fondement de la relation à la vocation, à l'écriture, et de la relation au temps, puisque le temps est incorporé. Et quant à la syntaxe, juste pour terminer là-dessus, mais... Je vais être intarissable sur Merleau-Ponty. Oui, là, on a un programme chargé. Hein, dans L'œil et l'esprit, qui est un tout petit livre de Merleau-Ponty, mais très, très complexe, où il revient sur Descartes, sur la dioptrique de Descartes, etc. Il s'interroge sur ce que c'est, non pas seulement le regard, mais l'œil. Et à un moment, il dit, Merleau-Ponty dit, un homme, quand il perçoit, un homme tient en cercle autour de lui les choses qui sont comme des annexes de lui-même. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes, nous disait Proust dès le début de La recherche du temps perdu. Et les annexes de lui-même, c'est le moment où, là encore, c'est pour ça que la chambre, et c'est vraiment une chambre de pensée, d'écho, de réfraction entre le sensible et l'écriture chez Proust. À un moment, il est dans une chambre au grand hôtel de Balbec, qui est trop haute, le narrateur est perdu dans cette chambre, il se sent très mal. Et il regrette ces chambres où l'habitude a fait en sorte que les poignées de porte, les choses soient comme des extensions et des annexes de nous-mêmes. Pareil pour les robes des femmes. Celles qui ont l'art de l'habillement, parce que c'est un art chez Proust, exactement comme l'écriture, etc. Celles qui ont l'art de l'habillement et qui sont la princesse et la duchesse de Guermantes, contrairement à Madame de Cambremer, etc. Eh bien, ces femmes-là, leurs robes sont des extensions de leur personnalité, sans même parler d'Odette. C'est extraordinaire. Si Maurice Merleau-Ponty, une sorte d'alter ego de Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, lui, serait plutôt le frère ennemi. Quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, mais pas directement, ça se voit pas. C'était Proust. Proust, nous le lisions en première, ça y avait 10 ans encore, et puis nous lisions Proust et nous parlions des personnages comme le personnage vivant qui existait. Proust a été très certainement une des initiations à la littérature moderne. Je crois que c'est un peu ces deux rencontres, bref, mon côté frustre, barbare et violent de province, et puis cette littérature extrêmement cultivée, qui a eu donc de l'influence à cause de Nisan sur moi, ce sont ces deux caractères qui se sont liés. Pour donner, si vous voulez, plus tard, mettons la nausée, mais enfin, il y a eu autre chose, mais il y a eu ça, certainement. Sartre par lui-même, c'est un extrait du film documentaire d'Alexandre Astruc et Michel Conta, 1976. L'archive est plus difficile à entendre que la voix de Merleau-Ponty. Sartre parle différemment. Enfin, on n'est pas très loin du sujet d'ailleurs, hein, Anne-Simon, dans la manière de s'exprimer. Vous dites dans votre livre Trafic de Proust, pour Sartre, Proust constitue tantôt un modèle obsédant et souvent occulté, tantôt un ennemi intérieur, d'autant plus combattu qu'il est bien sûr l'un de ces doubles que Sartre n'a cessé de se forger pour mieux se confronter à soi. Donc frère ennemi, c'est ça? Oui. C'est de toute façon la modalité du rapport à autrui et à l'autrui qu'on respecte et qu'on aime chez Sartre. Flaubert est un frère ennemi. C'est d'ailleurs à propos de Flaubert que Sartre emploie cette formule, que j'ai reprise pour Proust, parce que c'est exactement de la même façon qu'il fonctionne. C'est-à-dire que les grands auteurs qu'il aime sont des punching balls dans lesquels il voit là encore un miroir de lui-même et quelque chose qui risquerait d'être trop modélisant pour lui. Et on retrouve cette idée de plastique, hein, de plasticité. Ouais. Il faut que les grands auteurs, et notamment Proust, soient quand même mis à distance pour ne pas se perdre en eux-mêmes, ce qui arrivera peut-être à Barthes, justement. Et c'est le danger, finalement. Barthes est perdu dans Proust ? Il me semble, oui. On pourra en parler, mais oui. Barthes a failli y passer, je dirais, même. Tellement il l'a idéalisé ? Oui. Pour Barthes, Proust était une sorte de moi idéal. C'était alors là un reflet de lui-même qui fonctionne presque comme un D-book ou comme un golem en quelque sorte, quelque chose qui vient l'habiter à tel point que toute la vie de Barthes à la fin de sa vie est hantée, elle est articulée sur les articulations de la vie de Proust. Chaque fois, il va voir Nouréev danser, il dit, tout de suite ce qui lui vient, c'est l'épisode de la Berma. Chaque moment de sa vie est rapporté à la vie de Proust, y compris évidemment le désir d'écrire. Et c'est dramatique, en fait, d'une certaine manière. Il y a eu tout un passage dans la vie de Barthes, jusque peut-être à, je dirais, à la Chambre Claire et même après, au moment de sa mort, où finalement, Proust a été une sorte de moi envahissant, une sorte de double réussi envahissant. Tout ce que tentait de faire Barthes, d'écrire, de préparer son roman, qu'il n'a jamais réussi à écrire. Il n'a jamais réussi à écrire puisque c'était déjà écrit. Ouais, c'est ça. Et chez Barthes, il y a cette idée que il sait très bien que Proust a déjà écrit. Donc, vous voyez, ce déjà, il a déjà écrit, tout est dit, je dirais, en quelque sorte. Proust a écrit une somme, et en même temps, la somme de Proust, comme le dit Barthes, c'est un prospectus, c'est un projet d'écriture, puisque à la recherche des terres perdues narre l'histoire d'un narrateur qui décide à la fin de sa vie d'écrire un livre qui est peut-être, mais c'est pas sûr, le livre qu'il a déjà écrit, qu'on vient de lire. Et donc, Barthes est fasciné par ce mouvement-là, seulement il y a toute la question de l'impuissance du romanesque chez Barthes. À la différence de Sartre, qui lui a réussi à écrire de la philosophie et de la littérature, on pense notamment aux mots, on pourra comparer d'ailleurs les mots de Sartre avec la recherche du temps perdu. D'abord, dites-nous dans quel sens, enfin ce que Sartre va chercher chez Proust, si on file la métaphore du trafic et de la drogue, comment Sartre se nourrit-il de Proust ? D'abord, il s'en nourrit comme d'un alcool fort. Ce qui est très intéressant dans l'archive que vous avez passée, c'est que c'est une archive de la fin de la vie de Sartre, qui va mourir 4 ans, 5 ans après. 4 ans après, il reconnaît enfin sa dette envers Proust. Mais il a énormément de mal, alors qu'en 1924, dans ce qu'on appelle le carnet midi, qui était un carnet sur lequel écrivait Sartre, en 1924, Sartre est tout jeune. Il est né en 1905, il a même pas 20 ans. Et Il dit « Proust était pour moi un tonique, c'est un excitant. Il se jette sur tous les volumes qui paraissent au fur et à mesure de la publication d'À la recherche du temps perdu, puisque ça a été publié en grande partie de manière posthume. » Et donc, il y a cette idée de quelque chose qui vient exciter la pensée, l'exciter de façon sensible. Et puis, progressivement, pour des raisons... à mon avis, beaucoup plus personnel que politique, mais de façon affichée et publique pour des raisons politiques. Mmh. Sartre se dirige lentement, mais sûrement, vers le communisme, vers l'engagement dans le communisme. Et Proust, ça va pas. C'est un bourgeois rentier, c'est un pédéraste qui critique trop l'homosexualité, un israélite qui se moque là aussi des juifs. Et donc, il y a un éloignement de Sartre de façon officielle. Il dit il faut se délivrer de Proust. Comme Nathalie Sarraute à la même époque, comme d'une certaine façon Barthes aussi, Sartre lit Proust comme étant l'écrivain par excellence du psychologisme, oui, de l'introspection. Et c'est un Proust complètement incomplet. J'ai essayé de le montrer tout à l'heure. Proust est un immense... Et Foucault aussi. Il se trompe pas, en fait, tous ces auteurs. Il se débrouille pour faire de Proust un auteur de l'introspection. Il le trafique parce que ils sont bien trop intelligents pour pas voir que Proust est un immense auteur social, politique, un auteur du sadisme, de la sexualité, de la révolution du langage, de la prise en compte de tous les langages différents à la recherche du temps perdu, comme le fait Balzac dans sa somme, la comédie humaine. Donc tous ces philosophes le savent très bien, mais ça les arrange de reléguer Proust dans le subjectivisme, une sorte de nombrilisme, parce que finalement c'est un auteur qui est beaucoup trop complet. Donc ils sont jaloux ? Est-ce qu'ils sont jaloux ? Ils sont menacés, moi je pense surtout. Ils sont menacés. Pour Sartre, par exemple, il y a la volonté de se débarrasser de Proust tout en le refaisant. Il y a l'idée qu'il est tellement incontournable qu'il faut à un moment l'éviter. Et la meilleure façon de l'éviter pour Sartre, c'est de le refaire. Et dans Les mots, je rappelle que Les mots, c'est son autobiographie, qu'il la commence en 1953, elle est publiée vers 1963 ou 64. Cette autobiographie, c'est de la part de Sartre la volonté d'en finir avec la littérature en passant par la littérature. Donc c'est un truc très pervers, hein, un tourniquet, comme le dirait lui-même Sartre, qui, comme Barthes, intègre toujours son autocritique au moment où il fait quelque chose. Comme ça, il est sûr de maîtriser et de posséder la critique qu'on fera de lui, puisqu'il l'aura émise par avance. Et Barthes fait exactement la même chose. Ce sont des postures masculines, hein, d'une certaine manière, d'assertion de soi, qui sont sans doute magnifiques dans leur faiblesse. Eh bien, cette autobiographie où Sartre veut se délivrer de la névrose de la littérature, de l'imposture du beau style, elle est divisée en deux. Lire d'un côté, écrire de l'autre. Et À la recherche du temps perdu, eh bien, c'est l'histoire d'un homme, d'un enfant qui commence par des lectures. On a des passages magnifiques dans Combray, qui est le premier chapitre du premier volume d'À la recherche du temps perdu, sur la lecture au jardin ou sur la lecture de maman. Et c'est l'histoire d'un homme qui lit beaucoup et qui écrit en même temps. Ça, c'est la vie de Proust. La vie du narrateur d'À la recherche du temps perdu, c'est qu'il décide d'écrire à la fin. Et voilà, Sartre montre comment non seulement il a beaucoup lu, comment la lecture a tenu lieu pour lui de monde. Il dit que le dictionnaire, ça a été sa campagne, son étable, sa nature à lui. Tous les mots du dictionnaire, c'est magnifique. Et ensuite, il se met à écrire, mais là, il pense qu'il est dans l'imposture. Alors écoutons justement tour à tour un extrait de La recherche du temps perdu du côté de chez Swann, Combray donc, où la maman lit François Le Champy au narrateur, et puis ensuite un court extrait des mots de Sartre, vous verrez les similitudes sont troublantes. Maman s'assit à côté de mon lit. Elle avait pris François Le Champy, à qui sa couverture rougeâtre et son titre incompréhensible donnait pour moi une personnalité distincte et un attrait mystérieux. Je n'avais jamais lu encore de vrais romans. J'avais entendu dire que George Sand était le type du romancier. Cela me disposait déjà à imaginer dans François le Champy quelque chose d'indéfinissable et de délicieux. Les procédés de narration destinés à exciter la curiosité ou l'attendrissement, certaines façons de dire qui éveillent l'inquiétude et la mélancolie, et qu'un lecteur un peu instruit reconnaît pour commun à beaucoup de romans, me paraissaient simplement, à moi qui considérais un livre nouveau non comme une chose ayant beaucoup de semblables, mais comme une personne unique n'ayant de raison d'exister qu'en soi, une émanation troublante de l'essence particulière à François Le Champy. Sous ces événements si journaliers, ces choses si communes, ces mots si courants, je sentais comme une intonation, une accentuation étrange. L'action s'engagea. Elle me parut d'autant plus obscure que dans ce temps-là, quand je lisais, je rêvassais souvent, pendant des pages entières, à toute autre chose. Et aux lacunes que cette distraction laissait dans le récit, s'ajoutait, quand c'était maman qui me lisait à haute voix, qu'elle passait toutes les scènes d'amour. Aussi, tous les changements bizarres qui se produisent dans l'attitude respective de la meunière et de l'enfant, et qui ne trouvent leur explication que dans les progrès d'un amour naissant, me paraissaient empreints d'un profond mystère dont je me figurais volontiers que la source devait être dans ce nom inconnu et si doux de Champy, qui mettait sur l'enfant, qui le portait sans que j'en susse pourquoi, sa couleur vive, empourprée et charmante. Si ma mère était une lectrice infidèle, c'était aussi, pour les ouvrages où elle trouvait l'accent d'un sentiment vrai, une lectrice admirable par le respect et la simplicité de l'interprétation, par la beauté et la douceur du son. Ma mère leva les yeux de son ouvrage. « Que veux-tu que je te lise, mon chéri ? Les fées ?» Je demandais, incrédule, « Les fées, c'est là-dedans ?» Cette histoire m'était familière. Ma mère me la racontait souvent, quand elle me débarbouillait, en s'interrompant pour me frictionner à l'eau de Cologne, pour ramasser sous la baignoire le savon qui lui avait glissé des mains, et j'écoutais distraitement le récit trop connu. Je n'avais Dieu que pour Anne-Marie, cette jeune fille de tous mes matins. Je n'avais d'oreille que pour sa voix troublée par la servitude. Je me plaisais à ses phrases inachevées, à ses mots toujours en retard, à sa brusque assurance, vivement défaite, et qui se tournait en déroute pour disparaître dans un effilochement mélodieux et se recomposer après un silence. L'histoire, ça venait par-dessus le marché. C'était le lien de ses soliloques. Anne-Marie me fit asseoir en face d'elle sur ma petite chaise. Elle se pencha, baissa les paupières et s'endormit. De ce visage de statue sortit une voix de plâtre. Je perdis la tête. Qui racontait ? Quoi ? Et à qui ? Ma mère s'était absentée. Pas un sourire, pas un signe de connivence. J'étais en exil. Et puis je ne reconnaissais pas son langage. Où prenait-elle cette assurance ? Au bout d'un instant, j'avais compris. C'est le livre qui parlait. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Bon, Anne-Simon, on pourrait passer toute une émission sur la comparaison de ces deux textes tant ils sont riches. Déjà, commençons par le plus évident, peut-être de mettre côte à côte, à la suite, ces deux textes. Est particulièrement troublant pour quiconque n'aurait pas la connaissance des liens très forts entre Sartre et Proust et entre la relation à leur mère et la relation à la littérature. On voit ici que Sartre, dans les mots, alors je sais pas s'il fait une parodie, mais enfin c'est quand même, la comparaison est vraiment troublante. On voit qu'il s'agit exactement du même type de scène. Tout à fait, et on pourrait en trouver d'autres hein, dans L'être et le néant avec le garçon de café. Mais je l'ai découvert en vous lisant, effectivement. Ouais. On trouve le garçon de café, une expression de Proust qu'il applique à Le Grandin. Exactement, et on a une description du salut de Le Grandin qui est, dont Sartre s'inspire dans L'être et le néant. Enfin, s'inspire, oui, cas, Oui, pour ce cas de terminal, hein, je dirais, qui est le cas de la description du garçon de café. Peu importe, j'ai commencé ma vie, comme je la finirai sans doute, au milieu des livres, écrit Sartre dans les mots avant ce passage que vous avez cité. C'est peut-être aussi la même chose pour Proust. Hein. Il commence sa vie dans la rivalité entre François Ier et Charles Quint à la troisième ligne de la recherche du temps perdu. Ça se termine dans le temps retrouvé dans une bibliothèque où le narrateur prend. Il a passé toute sa vie. Il est plus enfant comme quand sa mère lui lisait François le Champy sur lequel je vais revenir. Il est très très âgé. On est dans le temps retrouvé. Il est dans une bibliothèque dans un grand hôtel des Garmentes. Et là, d'un coup, il prend un livre et c'est François le Champy avec sa couverture rougeâtre. Et c'est une réminiscence incroyable. C'est donc ce petit livre qui n'est pas non plus un chef-d'œuvre selon Proust, recèle le temps à l'intérieur de ses pages, entre ses lignes. Vous voyez, on retrouve Merleau-Ponty. Hein, ouais. Entre ses lignes et puis avec toute cette thématique du silence aussi qui était très, très perceptible dans les deux textes. Et donc, d'un coup, le narrateur se souvient du moment où il attendait le baiser de sa mère le soir avant de se coucher. Il était traumatisé quand Swann, qui est un ami de la famille, venait les voir parce qu'à ce moment-là, il y avait un dîner. Et du coup, le petit garçon qui était Proust ne pouvait pas avoir son baiser du soir. Et un jour, je vous passe les détails, il fait une sorte de crise. Et quand il attend ses parents alors qu'il devrait être endormi, il attend ses parents en haut d'un escalier et la mère est en train de monter. Et finalement, le père décide qu'elle doit aller dormir dans sa chambre avec lui. C'est donc le père qui donne son fils à sa femme. Tout de suite, évidemment, le narrateur sait qu'il y a un lézard et que c'est un vrai problème. Hein, on est à l'époque de Freud. Il découvre l'Oedipe tous les deux en même temps. Et à ce moment-là, pour le calmer, la mère du narrateur décide de lui lire un livre qui était destiné par la grand-mère du narrateur pour son anniversaire. Et elle lui lit François le Champy. François le Champy, George c'est Sand, très simple, de George Sand. Une femme déguisée ou habillé en homme, ou qui se performe en homme pour pouvoir écrire. François Champy, c'est l'histoire d'une femme qui adopte un enfant prénommé François, un bon petit français. Et ce François et elle deviennent amoureux l'un de l'autre et ils finissent par se marier. Donc c'est vraiment le roman oedipien, oedipien non dépassé par excellence. Et on retrouve dans les deux textes qu'on a lus, que ce soit chez Proust ou chez Sartre, cette dimension de l'inceste qui est énorme et qui est d'ailleurs, on le voit bien, voyez comment l'essentiel se dit à travers le silence, puisque la mère saute les scènes d'amour. Oui, il est en Proust. Ouais. Et que l'enfant sait très bien, en fait, finalement, ce qui se joue dans cette scène-là, puisque il dit, le moment où ma mère me lisait, lisait dans ma chambre, c'était un moment d'abdication de la part de mes parents. Ma nervosité n'avait pas été calmée, mais par l'extérieur, et finalement, il a l'impression que c'était pas ce qu'il fallait. C'est ça, et chez Sartre, on retrouve aussi cette ambivalence à l'égard de sa mère, qui l'appelle par son prénom. Bien sûr. Il y a des descriptions qui sont là aussi. Sartre se débrouille pour érotique. Dans les mots, en gros, le père est mort quand Sartre était tout à fait jeune, et donc, c'est le grand-père qui devient le père, hein, Charles Schwatzer. Et la mère, Anne-Marie, vient habiter chez ses parents. Et du coup, elle devient à la fois une fille et la sœur du narrateur. Et donc, il y a toute cette... ce qui est magnifique, c'est de voir comment les deux comment Proust s'embarque sur la voie de sa mère pour être emmené dans une espèce de ronde sensible, quasiment utérine, hein, finalement, et incestuelle par la magie de la lecture. Mmh. Alors que chez Sartre, la lecture... oral, mais à partir d'un livre, c'est-à-dire le livre, c'est la mort hein, chez Sartre, eh bien, provoque une scission et une chosification du corps maternel, ce qui est une première mort. Ce qui est très étrange chez Sartre, c'est que, mais d'ailleurs chez Proust aussi, les livres recèlent un danger. C'est ça qui est très intéressant chez les deux auteurs. Et chez Sartre en plus, la bibliothèque, c'est tantôt un lieu de vie où on s'éclate, où pour un enfant qui n'a pas accès à la nature, c'est là où il vit toutes ses aventures. Il fait même des tas, Sartre fait des... Poulou fait des tas de livres sur lesquels il saute, c'est son surnom, etc. Hein, ouais. Voilà, c'est son surnom petit. Une manière encore de mettre à distance celui qu'il fut pour le... Voilà, pour surtout pas coller avec cette enfance qu'il récuse et qu'il reconstruit complètement. C'est la mère de Sartre qui lui disait « Mais t'as rien compris à ton enfance ». Eh bien, cette bibliothèque, c'est aussi un cimetière. Les livres recèlent la mort, la décomposition... et sont donc beaucoup plus dangereux que la lecture orale. Qu'est-ce que c'est que le style d'un grand auteur? On fait subir à la langue dans laquelle on parle et on écrit, on fait subir un certain traitement à cette langue. Pas un traitement artificiel, volontaire, etc. C'est un traitement qui mobilise tout, la volonté de l'auteur, mais aussi ses envies, ses désirs, ses besoins, ses nécessités... On fait subir à la langue un traitement syntaxique, original. C'est pour ça qu'un grand styliste, c'est pas un conservateur de la syntaxe, hein, c'est un créateur de syntaxe. Et moi, je ne sors pas de la formule si belle de Proust. Les chefs-d'œuvre sont toujours écrits dans une sorte de langue étrangère. Un styliste, c'est quelqu'un qui crée dans sa langue une langue étrangère. C'était un extrait de l'abécédaire de Gilles Deleuze, S comme style, le film documentaire produit par Pierre-André Boutan et avec des entretiens réalisés par Claire Parnet en 1988 et 89. Si Merleau-Ponty était l'alter ego de Proust, si Sartre était le frère ennemi, qu'est-ce que Deleuze était à Proust, Anne Simon? C'était un hors-sujet. Un hors-sujet à plusieurs sens. D'abord, comme quand on vous dit que vous avez écrit une copie et puis on vous met en grand, en rouge, HS, hors sujet, dans la marge. Ça veut dire que Deleuze n'a rien compris à Proust ? Bien sûr que si, qu'il a tout compris, mais on s'arrange souvent pour faire un hors sujet, ouais. Au trafic, parce que c'est quelque chose de très profond en nous fait écrire autre chose que ce qu'on devrait écrire, hein, en quelque sorte. Et c'est volontaire de la part de Deleuze. Il dit, il faut trafiquer, il faut voler, il faut rencontrer, il faut faire un rapt. C'est ça le trafic chez Deleuze. On avait le trafic occulte de la métaphore chez Merleau-Ponty, qui était l'idée que la métaphore allait permettre de rendre compte de l'enroulement du sens et du sensible. Chez Deleuze, c'est complètement différent. On est dans l'idée que on doit faire usage des auteurs qu'on lit. Je trouve ça merveilleux. Alors on doit les trahir. Il le dit, hein, la trahison est quelque chose de valorisé par Deleuze, parce que c'est un acte de libération. Mais pas un acte de libération comme chez Sartre, qui s'empêtre un petit peu dans sa propre libération, qui est dans la mauvaise foi. Chez Deleuze, on est vraiment dans une ligne de fuite complètement différente. Alors donc ça, c'est un hors-sujet assumé, j'allais dire. Et puis c'est surtout qu'il n'y a pas de sujet. Autant il y a un sujet chez Sartre, autant chez Deleuze, la notion même de sujet explose complètement. Ce qui compte pour lui, ce sont des forces, ce sont des rythmes, on s'individue dans une action permanente, on est dans un élan, il faut même... C'est même parler d'individuation, c'est presque encore être trop dans le sujet qui serait fermé au rythme, au grand rythme du monde, à ces grandes lignes de fuite. Et donc, j'ai appelé ça hors sujet parce que je voulais montrer à quel point Deleuze vient imprimer un mouvement extraordinaire dans sa lecture de Proust. Autant Merleau-Ponty, c'est l'écrivain qui voit dans Proust l'écrivain de la profondeur, et il a entièrement raison, hein, la profondeur, la surimpression des couches. Vous savez, quand Bergotte, l'écrivain de la recherche, est en train de mourir devant un tableau de Vermeer qui s'appelle Petit pan de mur jaune, voilà, la vue de Delft, il meurt en se disant « j'aurais dû écrire comme Vermeer peint, à savoir avec des couches les unes sur les autres », ce que fait exactement Proust, hein, avec ses parenthèses, ses tirets, ses virgules, ses retours en arrière, etc. Proust parvient à écrire sur une page en deux dimensions, à faire intervenir la quatrième dimension qu'est le temps. Pour en revenir donc à Deleuze, j'ai perdu moi-même mon avec fil. Vous étiez sur Bergotte. Voilà, et j'en étais donc sur l'idée c'est avec Merleau-Ponty, on est dans l'écrivain de la chair et de la profondeur. Et avec Deleuze, il fait fuir le tuyau, comme il le dit, il faut toujours faire fuir le tuyau. On est dans un Proust des vitesses, un Proust des surfaces. Il y a rien qui fait plus peur et qui n'intéresse pas Deleuze que la profondeur, l'enracinement, l'origine. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est le rhizome, ce qui part un petit peu dans tous les sens. L'araignée, évidemment, qui tisse une toile. C'est comme ça qu'il qualifie Proust, hein, oui, c'est ça ? Oui, et c'est vraiment passionnant de voir comment il trahit Proust, puisque il n'y a que 4 araignées à la recherche du temps perdu. Il y a 2 passages qui sont anecdotiques, genre on monte un escalier dans un vieux clocher et puis on ramasse l'étoile d'araignée, vous voyez. Et puis il y a un autre passage important où Madame Verdurin, Monsieur Verdurin sont comparés à des araignées prédatrices en train de dévorer Swann, hein, finalement. Donc, c'est pas un animal particulièrement proustien. Et dans la troisième partie de Proust et les signes, qu'il publie en 1967... Il reste 20 secondes, Anne-Simon, je suis désolée. Deleuze transforme Proust en cet être sous tension, toujours prêt à l'élan, toujours prêt à capter les autres dans sa toile. C'est vrai d'une certaine manière, puisque Proust est un écrivain de l'élan et de la transformation, et c'est faux dans la mesure où il ne parvient pas à capturer les êtres. Il devient leur geôlier, comme c'est le cas pour Albertine, mais la prisonnière passe son temps à s'enfuir. On a envie d'en savoir tellement plus. C'est l'occasion de lire votre livre, Anne-Simon, Trafic de Proust, Merleau-Ponty, Sartre, Deleuze, Barthes, aux éditions Hermann. Merci infiniment pour cette discussion ce matin. Il est temps de retrouver et d'accueillir Frédéric Worms pour sa chronique philosophique quotidienne, Le pourquoi du comment. Comment la guerre utilise-t-elle le courage ? Il y a une maxime très profonde d'un moraliste du XVIIIe siècle, Vauvenargues, que beaucoup de philosophes de la guerre au XXe et même au XXIe siècle auraient bien raison de méditer, comme l'avait fait le philosophe Alain juste après la Première Guerre mondiale dans son livre « Mars » ou « La guerre jugée ». Cette maxime de Vauvenargues, si profonde, c'est la suivante. Écoutez-la bien, il me semble qu'elle est forte. « Le vice fomente la guerre, la vertu combat. Il y a dans le courage des soldats, dans le courage d'affronter la mort, le paroxysme de la vertu humaine. Pourquoi ? Parce que le courage, c'est justement la capacité à faire abstraction de son intérêt propre pour défendre une cause plus noble que soi. C'est la capacité à aller contre la passion de la vie ou de la survie. C'est le fondement de toutes les vertus, puisque la vertu consiste à ne pas se prendre soi-même comme centre du monde, mais à faire de soi-même, au contraire, un sujet capable de se décentrer, capable d'organiser la justice et les actions entre les humains. Le courage est donc le principe de toutes les vertus, et ça n'est pas par hasard si le mot latin virtu, et même peut-être le mot grec qui le précédait, désignait d'abord la force d'âme, le courage, comme principe de toutes les vertus. Mais ce que nous dit Vauvenargues, repris par Alain, le vice fomente la guerre, la vertu combat, c'est que le courage des soldats est parfois orienté vers des mauvaises causes et que finalement ceux qui fomentent les guerres manipulent, utilise, instrumentalise cette vertu sublime de l'honneur, du courage guerrier qui caractérise dans l'anthropologie grecque, par exemple, dans la République de Platon, le cœur humain dans sa passion le plus souvent juvénile, le cœur des adolescents qui s'enflamme si vite pour des causes et qui est prêt à sacrifier sa vie. Mais comment le courage, comme force d'âme, comme capacité à affronter la mort, comme capacité à défendre une cause, comment est-il orienté vers ces causes ? Il ne faut pas laisser la vertu de courage être orientée par le vice de la guerre, par le vice de la haine, par le vice de la peur ou les vices quels qu'ils soient. Cette maxime de Vauvenargues donc, le vice fomente la guerre, la vertu combat. Alain, juste après la Première Guerre mondiale, en a fait le principe d'une condamnation de la guerre. Il y a des nationalistes français et allemands qui ont agité des passions guerrières, qui ont lancé les courages des jeunes gens des deux côtés de la frontière, les uns contre les autres, pour se détruire et non pas pour sauver des principes. Et donc, il y a une déconnexion possible de la vertu du courage avec les motivations véritablement vertueuses de la morale et de la politique. Il faut orienter le courage vers la justice, parfois vers la guerre juste elle-même, la guerre défensive, la guerre au nom des principes universels et non pas pour la destruction de l'autre. Il faut donc connecter le courage aux autres vertus. Ne déconnectons pas le courage de cela. Être courageux au sens de pouvoir sacrifier sa vie ne fait pas de quelqu'un un être vertueux. On peut sacrifier sa vie pour de mauvaises causes. On peut être courageux au nom de la mort. Il faut l'être toujours. Au nom de la justice. Merci beaucoup Frédéric Worm. Votre chronique Le Pourquoi du Comment est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier avec Manon de la Selle, Thaïs, Éloi Hammer, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Grégory Wallon. À la lecture des textes, Guillaume Gallienne. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Proust et les philosophes. On sera en compagnie de Mathieu Vernet et nous parlerons du Contre Sainte-Beuve, le texte de Proust qui se demande s'il faut distinguer l'homme de l'œuvre. Proust a sa réponse. Vous la découvrirez demain. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger, la podcaster et nous retrouver sur les réseaux sociaux. Nous sommes ravis de vous retrouver. Rendez-vous demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.